Le comité national de souvenirs du camarade Kim Jong-il est constitué le 26 novembre à Copenhague, Danemark. Le comité a décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de sa noble vie révolutionnaire et de ses exploits immortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès. Par ailleurs, le comité malaisien de souvenirs de son excellence Kim Jong-il est constitué le 29 novembre.